est juste une chanson courte, une chanson simple à la fois, une de celles qu'on écoute pour la rechanter parfois. Un air qu'on a dans la tête, un air qui tient dans la poche et qu'on ressort à tue-tête quand il fait moche. C'est juste une chanson d'un jour, une chanson qui vient comme ça. Elle fait pas de long discours et ne montre pas du doigt. Elle recouvre de paillettes tous les cœurs qui s'en approchent, comme une boule à facettes que l'on accroche. C'est juste une chanson bonjour, une chanson comment ça va, à ta santé, tes amours, bonne année, etc. Ces petits bonheurs que l'on souhaite à tous ceux qui nous sont proches, des mots doux en tête à tête qui nous rapprochent. C'est juste une chanson d'amour, une chanson faite rien pour toi. Même si on te fait la cour, je voudrais chanter l'opéra. Mais si tu es ma Juliette, moi je suis plutôt Gavroche. Roméo a fait basket, c'est ça qui cloche. C'est juste une chanson courte, une chanson simple à la fois, une de celles qu'on écoute pour la rechanter parfois. Si elle reste dans ta tête ou bien encore dans ta poche, elle te servira peut-être si un jour il fait moche.